Les militaires de l'armée populaire de Corée arrivaient pour le relèvement à l'arrondissement de Musan de la province de Yangon du Nord, sur l'ordre du respecté commandant suprême Kim Jong-un, ont déblayé des dizaines de mille mètres cubes de terre et de boue, ouvert des routes sur une grande distance, achevé en un jour le creusement de fondations de nombreuses maisons d'habitation et multiplié des succès chaque jour. Le complexe d'acérage de Cholima accomplit chaque jour à 120% le plan de production d'acier nécessaire au redressement. Le port et la ville de Nampo ont expédié un cargo chargé de ciment au nord du pays.